Audiomatique. L'artiste Jarbo ouvrait la transmission 043 de l'émission Audiomatique. avec sa pièce Lavender Girl tirée de son deuxième album solo sorti en 1995. Rappelons que Jarbo est une ex-membre du groupe Swans pour qui elle a prêté sa voix à la fin des années 1980 jusqu'à ce que le groupe se sépare en 1997. Même si les Swans se sont reformés en 2010, Jarbo n'est jamais retourné au sein de ce groupe et elle poursuit encore aujourd'hui sa carrière solo. Solo, c'est ce que ne seront jamais les électronistes. Nous vous accueillons encore une fois ce soir en nombre suffisant pour ne jamais être limité dans la réalisation de notre mission. Nous n'avons à chaque fois que 60 minutes pour vous sensibiliser au passé glorieux et à l'innovation constante de la musique électronique, mais au lieu de nous circonscrire, ces 60 minutes nous permettent de se concentrer notre offrande musicale et d'en démontrer toute sa valeur. Et puisque chacune de nos transmissions est disponible en différé sur notre page facebook.com/audiomatique-cfou, vous n'avez plus à vous restreindre dans votre écoute d'Audiomatique. En musique, à l'instant, le projet britannique Bagman. À Audiomatic, il s'agissait du duo écossais Spire Lab avec leur composition Kabelski, tirée de leur seul album à notre connaissance, soit This Utopia. Précédemment, nous avions droit à Bagman, le projet solo de Lee Fraser, un des deux membres de Sheep on Drugs, qui nous présentait sa pièce Bosch Kaijin Mix de l'album Rap. À Audiomatic, poursuivons sans attendre avec une pièce du tout nouvel album des Chemical Brothers. Voici EML Ritual. I don't know what to do, I'm going to lose my mind. Avant la publicité, nous écoutions le projet Plateau, regroupant les talents des compositeurs Kevin Key et Phil Western. Ceux-ci nous offraient leur pièce Faux Gars, qui paraît sur l'album Couche Bouche, sorti en 2007. Avant Plateau, on entendait le projet Obtan de l'artiste italien Francesco Bodazzi, qui nous présentait l'une de ses créations techno-minimales intitulée Gemini. Cette pièce se retrouve sur le 12 pouces d'Optan intitulé Mercury's Influence. Et le groupe britannique bien connu de Chemical Brothers ouvrait cette séquence musicale avec la pièce EML Ritual de leur tout nouvel album qui se nomme Born in the Echoes. Il s'agit d'un album sans grande surprise, mais tout de même bien plaisant à écouter. Outre le fait qu'il porte l'oreille vers le passé au niveau des sonorités, la particularité de cet album est qu'il regroupe plusieurs artistes invités comme Annie Clark, Kate Lebon, et Beck Hansen. La continuité d'Audiomatique est maintenant assurée par la formation LIM. À Audiomatic, ce segment tout italien se terminait avec le groupe de Dining Rooms et la pièce Monsieur Dupont de leur album numéro 2. Nous débutions avec la formation LIN, ou si vous préférez Laser Italia Nation, qui est née au début des années 90 et composait alors une musique à saveur Electro Body Music ou EBM. À la fin des années 90, le groupe a connu un tournant avec l'album La Folie, présentant une musique beaucoup plus urbaine. C'est d'ailleurs de cet album qu'est tirée la pièce Crowd Non-Pleasers de leur que l'on entendait pour ouvrir ce bloc musical. Nous terminons la transmission 043 d'Audiomatic avec une pièce du groupe slovène Layback. La pièce se nomme Under the Iron Sky et elle est tirée de la trame sonore du film suédois Iron Sky, réalisé par Timo Vuorensola et pour lequel la musique fut entièrement composée par Layback. Nous profitons de l'occasion pour souligner le fait que Layback sera l'une des très rares formations du monde occidental et européen à offrir une performance en Corée du Nord lors de deux concerts qui se tiendront à Pyongyang les 19 et 20 août prochains. Layback, considéré comme apolitique, mais pourtant très critique des idéologies de toute tendance, a été invité par Kim Jong-un lui-même pour jouer dans le cadre des célébrations commémorant le 70e anniversaire du jour de la libération de la Corée du Nord. Le groupe réalisera d'ailleurs un documentaire sur son expérience au sein d'un des derniers régimes totalitaires de la planète. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été attentifs à nos suggestions musicales et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain pour la transmission 044. Sachez que l'émission est aussi en rediffusion les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Nous sommes conscients que nous vous martelons avec l'information, mais prenez quand même note que toutes nos anciennes émissions sont disponibles pour écoute, quand bon vous semble, sur notre page facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc pour conclure Under the Iron Sky, interprété par Layback. Bonne semaine! Thank you. the mind, still waiting for the moment I